got me like nobody. Merci, merci Bob Buster de m'avoir ouvert les yeux sur Lady Gaga et Mylène Farmer, que je prenais pour de simples Bobsters. Car non seulement je connais leurs chansons par cœur, et c'est un plaisir de les écouter à chaque fois, mais ce sont des artistes qui, ayant beaucoup de personnalité, ont permis de me construire en tant que fan. Alors, à bas l'élitisme culturel, vive la pop culture et vive Bob Buster. Can't read mine, can't read mine, no he can't read my poker face. Au début, Lady Gaga, moi, j'aimais pas. Trop d'artifices, trop too much, et puis je trouvais presque obscène cette nana qui montrait tout mais qui dévoilait rien. Je comprenais pas trop le personnage, quoi. She got me like nobody. Et là, j'ai découvert une vraie artiste qui fait des refrains hyper efficaces, c'est-à-dire que là, bah voilà, c'est 9h du mat, j'ai écouté l'émission en replay, je sais que je vais avoir Poker Face dans la tête toute la journée. Poker Face, Poker Face, et puis que c'est pas si simple à chanter. Poker Face, Poker Face. Oui, monsieur Sigris, ici le service des urgences des hôpitaux de Paris. Nous vous serions reconnaissants de faire attention aux morceaux de musique que vous diffusez dans votre émission. Cela fait plusieurs fois que l'on nous amène des programmateurs ou des chroniqueurs musicaux de Radio France en état de choc sévère. Après votre émission sur Lady Gaga, nous avons eu Mademoiselle Bauer Mélanie en état de convulsion. Le pronostic vital était engagé. Nous avons dû la mettre sous punk électro-minimaliste bulgare pendant 5 heures pour la sauver. Alors pour les prochaines fois, merci de faire attention aux sensibilités de chacun. Au revoir. To be or not to be, not to be. J'adore les Lego, mes enfants aussi. Et là vous vous dites, oh c'est merveilleux, deux générations qui partagent et communient autour d'une même passion. Walou, c'est mes Lego à moi, ils ont les leurs, j'ai les miens. J'ai le même rapport à mes Lego que Gollum à son anneau. Oh, mon précieux. Moi, je rentre en transe quand je construis mes Lego. Je parle plus, je cligne plus des yeux. On dirait Mathieu Amalric qui joue dans le bureau des légendes. Des fois, je commence à construire une boîte, je suis chaud, je la termine, j'ai des cheveux. Ensuite, une fois que j'ai fini, je l'expose en évidence et j'y toucherai plus jamais. Sauf pour faire la poussière. Donc, j'y toucherai plus jamais. J'ai essayé d'être un bon papa, de construire des Lego avec mes enfants. Mais le problème, c'est que les gosses, c'est l'anarchie. Ils suivent même pas le manuel. Au bout de la deuxième étape, ils sont saoulés. Ils fabriquent ça à l'instinct. Quiconque a déjà monté un meuble Ikea sait que tu ne montes rien à l'instinct. Alors à la fin, ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait sur la boîte. À la base, on était parti pour construire un vaisseau spatial et on se retrouve avec une licorne, avec des roues, mais c'est n'importe quoi. Et finalement, c'est peut-être ce moment où on sait qu'on est devenu un adulte. On est obsédé par les modes d'emploi. On râle parce qu'on n'a pas assez de pièces pour construire le monde qu'il y a sur la boîte, alors que la jeunesse, elle, elle se demande quel monde elle va pouvoir construire avec les pièces qu'elle a en main. France Inter. Blockbuster. Jusqu'ici, ça va. Frédéric Sigrist. Désolé, chers amis, nous avons un petit problème de sonorisation. Remboursé. Pendant que nous nous efforçons de résoudre le problème, Emmett va faire découvrir en musique la sensationnelle grande aventure Lego. Il était une fois un jeune homme nommé Emmett. Il a trouvé quelque chose sous la terre et à présent un policier lui crie dessus. Et puis il est secouru. Chouette balade. Puis il y a eu la grande poursuite dans le Far West. Cochon, attention, mais il y a Batman. Batman les a sauvés. Puis, il roule sur un arc-en-ciel. Est-ce que c'est un chat? Mais il devait aller sous l'eau. Je les connais. Puis il y a une grosse boîte, remplie de nouilles. Tout le monde construit quelque chose par-dessus autre chose. Puis, on place la chose sur une autre chose. C'est la fin. Hourra! Les grands-parents savent ce qu'est un Lego. Les adultes savent ce que sont les Lego. Et les enfants savent évidemment ce qu'est un Lego. Depuis 1934, le monde connaît parfaitement ce que sont ces petites briques danoises qui permettent de construire mille et une choses au gré de son imaginaire. Jouets pour certains, objets de culte pour d'autres, les Lego ont traversé le temps, les époques, ont même failli faire faillite, et ont su s'adapter à un marché du jouet malmené par la prédominance de plus en plus évidente des écrans. Pour revenir sur l'incroyable chemin de cette marque, j'ai avec moi Alexis Poder, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des créateurs et animateurs du podcast Men in Bricks et fan de Lego depuis 30 ans. Exactement, ça va faire un an à peu près qu'on anime ce podcast. Elle est ici, chez elle, on ne la présente plus mais quand même, c'est des impératifs de la radio, je dois le faire. Océane Zerbidi, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes la fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait, d'ailleurs on avait consacré un épisode au film Lego, tellement je suis fan de Lego. Est-ce que c'est pour ça que vous avez... peut-être. Peut-être. Et enfin, Anne Besson, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing de Lego France, Espagne et Portugal. Vous lancez actuellement une nouvelle gamme de Lego Super Mario et il est possible de précommander le pack de démarrage qui sera disponible le 1er août. Quel beau résumé, oui. Et je dirais, ça fait 3 ans que je joue au Lego en travaillant et c'est canon. Oh là là, elle a fait comme moi, en fait, des métiers d'escrocs où on arrive à jouer en même temps. Ensemble, on va retracer la grande aventure Lego, comment ce qui était initialement des jouets en bois, créés par un charpentier menuisier et son fils, sont devenus ces briques colorées en plastique connues du monde entier. On tentera de comprendre comment ces jouets pour enfants sont devenus aussi des objets de collection pour adultes, ce que l'arrivée des franchises telles qu'Harry Potter, Star Wars et autres ont changé dans la stratégie Lego. On parlera des films Lego, des jeux vidéo Lego, qui sont bien plus que des produits dérivés, mais des œuvres à part entière avec une qualité qui leur est propre, et on parlera du sujet qui fâche, mais pas longtemps, hein, dans un monde qui essaie de sortir du tout plastique. Qu'en est-il des Lego? Mais qu'est-ce qui... Pourquoi le dragon est sur le toit de la résidence Grand Standing? J'étais en train de jouer, je sais pas... Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais c'est à papa tout ce qu'il y a là. Tout ce que tu vois là, tout ce qui est là devant toi, ça appartient à ton père. Et absolument tout est conçu avec une... Qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé le sommet de la tour? Je l'ai pas fait exprès. Tu es en train de me dire que, sans le faire exprès, tu as délicatement enlevé le sommet de cette tour? Oui. Tu connais les règles, ce n'est pas un jouet. Ben si, quand même. Non, en fait, c'est un système très élaboré d'assemblage de briques. Mais on l'a acheté au magasin de jouets. C'est vrai, mais ce que moi, je construis avec, en fait un jeu pour adultes. La boîte de celui-là dit de 8 à 14 ans. Ce n'est qu'une suggestion. Mais moi, je le comprends, Lord Business, évidemment. Vous venez d'entendre un extrait de la grande aventure Lego de Phil Miller et Chris Lord, sorti en 2014. Et vous avez entendu Maurice Décosté et Victor Biavan, qui doublent respectivement Will Ferrell et Jadon Sand. Anne Besson, comment sont nés les Lego? Alors, les Lego sont nés d'un Danois qui s'appelle Ole Kir Christensen, en 1932, qui était charpentier, en fait, à la base. En fait, il travaillait le bois. Et c'était pendant la crise économique des années 30, et il a eu l'idée, avec les chutes de bois, d'inventer des jouets, de créer des jouets. Et donc, il n'a pas commencé avec la brique, hein. Il a commencé en fabriquant des canards en bois. Après, il a travaillé des yo-yos, et puis tout un tas d'objets, de jouets en bois. Donc c'était vraiment l'idée même qu'on se fait un petit peu du jouet vintage, vertueux, en bois, comme ça, fait par un monsieur qui y met tout son art. C'est ça. Et qui a une dimension aussi sociétale, parce qu'en fait, il a réussi à faire travailler pendant la crise sa communauté à Billund, qui est la ville et qui reste encore, qui est la ville de naissance de Lego et qui reste encore le siège de Lego. Et assez rapidement, il travaille avec son fils aussi également. Oui, il travaille avec son fils. Bon, alors, ce qui s'est passé, il y a eu un incident dans son parcours. Son usine a pris feu, en fait. Son usine a pris feu. Et il a dû se réinventer complètement. Et c'est comme ça qu'il a travaillé différents matériaux et qu'il a donné naissance à la brique. Et donc, c'est en 1958 que la brique Lego a été créée telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'accord. Donc avant, c'était vraiment juste des jouets, comme on peut en voir dans tellement de magasins de jouets en bois. C'était d'autres types de jouets. D'accord. Donc toujours le plaisir d'éduquer les enfants et d'amuser les enfants, mais d'autres types de jouets. Et alors, que signifie le mot Lego? Leggot. En danois, ça veut dire bien joué. D'accord, donc en fait, tout est écrit dessus. Exactement. C'est formidable. C'est très clair. Alexis Poder, à quel âge êtes-vous tombé en amour du Lego? Depuis que je m'en souviens, je pense que depuis que j'ai 5-6 ans, on a dû m'offrir des boîtes de Lego. Et j'ai dû jouer jusqu'à mes 12-13 ans, à peu près, 14 ans. Et puis après, quand on rentre au collège, forcément, on a ce qu'on appelle le Dark Age. Donc la période où on va un peu mettre ça de côté au profit d'autres activités un peu moins enfantines. Et avec une sombre histoire avec un de mes amis, je suis retombé dedans il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Alors cette sombre histoire m'intéresse énormément. Alors il va pas être très content, je pense, mais donc le cofondateur de Man in Bricks a eu un accident de ski. Il s'est cassé une vertèbre qui fait qu'il a dû rester bloqué pendant 4 mois, mi assis, mi debout, et donc il s'ennuyait, donc il a ressorti ses Lego d'enfance. Et donc je suis allé l'aider un peu, et puis au final on dit attends, mais moi aussi je dois en avoir qui traîne quelque part. Attends, je vais regarder. Et puis on a regardé, puis attends, mais il y a des Lego Store qui existent. Ah si, on allait faire un petit tour au Lego Store, et le drame a commencé à ce moment-là. Parce que depuis, on en parle tous les jours, on en a fait une émission, on en achète, c'est devenu... Et alors, vous y consacrez combien de temps dans la semaine à ces Lego? En fait, on en parle tout le temps, on a créé des conversations, des groupes ensemble, ça fait partie vraiment de notre quotidien. Enfin, je sais même pas citer exactement combien d'heures. J'en fais pas énormément, mais on en parle tout le temps. Oui, c'est-à-dire que les Legos ont une place prépondérante dans votre vie. Il y a toujours une petite partie de la journée. Et on parle des Legos maintenant. Ah bah clairement. Et puis là, on a déjà défini que samedi matin, donc le 1er août, c'était la journée des grosses sorties là de Lego, donc Nintendo. Et on s'est donné rendez-vous à 3 au Lego Store pour aller voir ce qui existe et ce qu'on allait acheter dès samedi. Il y a un budget aussi qui est alloué au Lego ? Quand on aime, on compte pas, il paraît. Donc, d'accord, mais on dirait moi qui parle des comics, ça veut dire qu'on est dans le rouge. Exactement. J'ai bien compris. Océane, cette rencontre avec les Lego, est-ce que ça s'est fait via le grand écran ou vraiment juste avec les jouets à la base ? Avec les jouets, mes parents m'ont offert dès mes 3 ans. Donc là, je pense que ma mère nous écoute et je pense qu'elle doit repenser à ces grosses briques qu'elle m'avait offert quand j'avais 3 ans. Et en fait, je passais mon temps à m'enfermer, à faire des tours et à m'enfermer dans des tours de Lego à 3 ans. Donc ça, c'était un peu mon Dark Age avant. Alors, au niveau psychanalytique, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire dessus. Et ensuite, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10 ans, je passais mes étés chez ma grand-mère. Et en fait, elle avait des boîtes et des boîtes de Lego, de petits personnages. Et je passais mes journées à les monter, à les démonter. Et ensuite, en grandissant, il y a eu les films. Et ensuite, je suis vraiment retombée dedans. Et depuis, les Lego sont devenus une valeur sûre à la Saint-Valentin, à Noël et à mes anniversaires. Exact. Mais Anne Besson, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que j'entends, c'est que effectivement, tout le monde, même sans se déplacer dans un magasin, a eu accès à un moment de sa vie à des Lego. Et j'ai eu le même rapport, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, on m'a donné une caisse. Il y avait la fameuse plaque verte, il y avait des briques rouges, jaunes. Et en fait, c'est un truc qui existe, mais depuis des décennies. Et dans tous les foyers, il y avait toujours une boîte de Lego. Comment ça s'est passé ? Exactement. Lego, la beauté de Lego, c'est que ça traverse les générations, à la fois en termes d'intérêt, et c'est une passion qu'on veut transmettre à ses enfants ou ses petits-enfants. Et en même temps, la qualité le permet, je dois le dire. Mais ça me fait penser à ma maman récemment qui a sorti pour mes enfants justement mon château fort, le château fort Lego avec lequel je jouais quand j'étais enfant. Et donc c'est pareil. Et est-ce que c'est pas justement ce côté pérenne, longévité de la brique de Lego et le fait que la formule n'a pas vraiment changé, est-ce que c'est pas ça qui explique aussi son succès ? C'est-à-dire que si jamais il nous manque une pièce dans un Lego qu'on aurait acheté hier, on peut reprendre une pièce qui date peut-être d'il y a 10 ou 15 ans d'un autre vieux Lego et ça rentrera encore parfaitement dedans. Alors oui, de toute façon, toutes les pièces s'imbriquent les unes entre les autres puisque le système est breveté pour vraiment fonctionner. C'est aussi la possibilité de multiples combinaisons qu'offre la marque puisque la marque permet de construire. On n'est pas obligé de suivre le mode d'emploi et on est capable de mettre un château avec une voiture, un dragon, un poisson et se créer son univers. C'est aussi la beauté de la marque. Alors cette émission, il faut le rappeler, c'est aussi des tubes musicaux qui ont redéfini l'histoire de la musique moderne. Il y a évidemment Ubrel, Brassens, Barbara, et Tout est super génial de La Grande Aventure Lego. On va écouter la BO de La Grande Aventure Léo, et Lego, pas Léo, Everything is Awesome. Everything is awesome. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. It's awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Et on imagine les arrivées aux urgences des programmateurs musicaux qui disent non, non, on n'en peut plus. C'était la chanson du film La Grande Aventure Lego dans Blockbuster sur France Inter. Et nous sommes toujours avec la directrice marketing de Lego France, Anne Besson, les baladodiffuseurs Océane Zerbini et Alexis Poder pour parler des Lego. Je te tiens. Ah oui ? Ben alors, il y a juste un petit problème. Qui va neutraliser la bombe ? Va falloir que tu choisisses, Batman. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi ? Tu peux pas faire les deux. Pardon, tu as dit quoi ? J'ai dit tu peux pas faire les deux. Non, je parle de l'autre truc. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi ? Tu crois que t'es mon pire ennemi ? Oui ! T'es obsédé par moi ! Pas du tout. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Bien sûr que si. Qui d'autre que moi te fait péter un câble de colère ? Bane. Non, c'est pas vrai. Superman. Superman, c'est pas un méchant. Je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas un méchant attitré. Je me bagarre avec plusieurs personnes différentes. Quoi ? Bah oui, à droite, à gauche. Bon, écoute, ça me pose pas de problème que tu te battes avec d'autres si t'as envie de le faire. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel. Alors, quand on te demande qui est ton méchant numéro un, tu réponds... Superman. Est-ce que t'es en train de me dire qu'il n'y a rien entre toi et moi, rien d'exceptionnel dans notre relation ? Wow. Laisse-moi te dire une bonne chose, débilos. Batman ne fait pas dans les sions. Quoi ? Genre les relations avec les gens. Il n'y a pas de nous. Batman et le Joker n'ont pas de trucs. C'était un extrait du cultissime Lego Batman de Chris McKay, sorti en 2017, et vous venez d'entendre Philippe Valmont et Philippe Bozo qui doublent Batman et le Joker. Et je rigole parce qu'il s'appelle Philippe Bozo et il double un clou. Voilà, bah quand on est bête, on est bête. Hein. Moi, je valide. Non, non, voilà. Donc, je voulais vous poser la question. Est-ce que, initialement, quand vous avez les Anne Besson, quand les briques Lego se sont construites, quand elles ont été créées, est-ce que vous pensiez automatiquement déjà à des véhicules ou est-ce que c'était juste des pièces et il y avait champ libre, celui qui achetait une boîte pouvait faire ce qu'il voulait ? Non, au départ, on est parti vraiment de la brique. Ensuite, on a commencé à diversifier avec la possibilité de rajouter. Donc avec les roues, des volants, des pièces qui étaient différentes, qui permettent de faire des modèles de voitures, par exemple. Et alors, est-ce que ça a eu un succès tout de suite ? Parce que quand on amène juste des briques comme ça avec une planche, bah, c'est difficile de se projeter en disant « Oh, je vais faire une voiture, je vais faire une carriole, un château ». Alors, ça a marché bien à son échelle. Au départ, c'était national au niveau du Danemark. Ça s'est internationalisé et puis ça a pris son ampleur aujourd'hui qui est autre, quoi. Avec à la fois la possibilité de fabriquer plusieurs modèles et puis après des univers aussi de licences et d'héros, de super-héros. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont plus sensibles au Lego que d'autres ? Est-ce qu'il y a vraiment des nationalités friands de Lego ou c'est vraiment, ça fonctionne partout ? Ça fonctionne partout, c'est complètement international, c'est incroyable. Et c'est les mêmes produits qui fonctionnent très très bien. D'accord, donc il y a c'est un carton partout. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu apparaître aussi de plus en plus de Lego Store. C'est-à-dire que c'est même plus un seul rayon d'un magasin. Maintenant, c'est tout le magasin qui est consacré au Lego. Effectivement, au fil des années, nous avons développé des boutiques propres, donc les Lego Store. La première boutique a été ouverte en Allemagne en 2002. Et aujourd'hui, il y en a 570 dans le monde. D'accord. Et alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on crée un modèle de Lego ? Parce que je fantasme cette histoire. Est-ce que vous mettez il y a une grande salle dans laquelle vous mettez des milliers de briques et vous balancez des êtres humains très doués en construction de Lego en leur disant vas-y, construis-moi une DeLorean et ensuite fais-moi un mode d'emploi. Comment ça se passe la création d'un nouveau modèle de Lego ? Il y a plusieurs sources de création, bien entendu. Parce que la création, elle peut être multiple. Déjà, on a une équipe de designers. Donc, on a 350 designers qui travaillent à Billund, qui sont au siège. Au Danemark. 350 designers de 28 nationalités. Donc il y a déjà une complémentarité qui crée une vraie émulation. Effectivement, il y a plusieurs salles de jeu, à la fois entre les designers, mais aussi avec des enfants, évidemment. Donc il y a plusieurs enfants qui peuvent inspirer. Et on peut retrouver des inspirations aussi. Et donc c'est ce que retrouvent les designers trouvent des inspirations dans à la fois des films, de l'actualité, des modèles iconiques ou ça peut être des monuments aussi, qui permettent de créer. Le modèle ne naît pas d'une seule fois. Hein. Ça prend 2 ans pour créer un modèle Lego quand même. D'accord. Donc il y a des étapes de construction, ça part d'un croquis, d'un assemblage de briques. Après il y a des tests, des crash tests, hein, on s'amuse à voir si vraiment le modèle est solide ou pas, si les enfants peuvent jouer avec le Lego bien, quelles modifications, améliorations on doit faire jusqu'à la production du donc de la belle boîte. Ça veut dire qu'il y a des constructeurs de Lego qui peuvent des fois se retrouver devant l'angoisse de la page blanche à dire oh non, là j'y arrive pas là, j'ai Alors, rarement. Il y a beaucoup d'idées, il faut trier. D'accord. Alors là, Océane Zerbini, et puis je vais vous poser la question aussi, Alexis Potter, est-ce que vous êtes plutôt de la team « je suis le manuel » ou « je pars à l'aventure » ? Alors d'abord, je suis le manuel, et ensuite, ça m'arrive de le déconstruire, c'est-à-dire de croiser plusieurs sets Lego ensemble. Par exemple, l'un des vaisseaux des Gardiens de la Galaxie va se crasher dans mon Daily Bugle de Spider-Man... J'essaie de créer des crossovers entre mes différents sets. D'accord. Voilà, donc c'est un mélange des deux, et c'est pour ça que la morale de l'ordre business dans Lego Movie, je me retrouvais à 50% dans ce qu'il disait. D'accord. Alexis ? Moi, je vais plutôt suivre les manuels, mais par contre, oui, un peu comme Océane, je ne vais pas hésiter à mélanger. Par exemple, j'ai le set des Ewoks, le village des Ewoks, et bien dedans, on va retrouver Emmett, qui va être la personne qui va être sur la broche en train de tourner. Et je vais vraiment mélanger les univers, parce que j'aime bien quand c'est un peu chaotique dans cette idée-là. Mais par contre, je n'ai pas suffisamment pour moi de créativité pour vraiment inventer des choses. Je ne suis pas une personne qui va fabriquer ses propres modèles, par exemple, juste en partant de rien. D'accord, donc pas encore comme je vois ma fille, par exemple, qui a 7 ans, qui, elle, peut construire n'importe quoi avec 4 pièces. Exactement, moi, j'ai plus besoin du mode d'emploi, quand même. D'accord. Et est-ce qu'il y a une dimension aussi de relaxation quand vous faites ça ? Parce que moi, je sais que quand je construis mes Lego, c'est aussi une manière de s'accorder du temps à soi et de s'isoler des soucis du quotidien, vraiment d'être dans une sorte de bulle où on... Complètement. C'est exactement ça, c'est vraiment... Une forme de méditation par la construction. Exactement, c'est ça. Et en plus, on écoute un petit épisode de Blockbuster en même temps, et puis alors là, on est au top. Et oui, c'est totalement cette décontraction qu'on va avoir à être dans son univers, et je valide 100%. Parce que vous savez, je connais très très bien Alire Bey et Christophe André, et ils sont toujours à la recherche de l'évolution vers le bonheur, et moi, je compte leur conseiller de la construction de Lego. Je valide aussi, on construit, et on est heureux. On va faire ça. Et alors... pourquoi avoir arrêté totalement les jouets en bois ? Parce que vu que ça a commencé comme ça et qu'ensuite il y a eu le succès des Lego, mais qu'on sait quand même que pour beaucoup de parents, il y a toujours une sorte de nostalgie. Pourquoi ne pas avoir en parallèle gardé le côté vintage de l'entreprise ? Est-ce qu'à l'époque c'était vintage ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, ce système de briques était complètement unique sur le marché du jouet. Le système de construction n'existait pas. Et c'est l'idée qui a été plus retenue, quoi. Au fil des années, après, on a vu son succès. Et est-ce qu'en ce moment, vous y songez ? Ou c'est vraiment quelque chose de définitivement... Alors, on a lancé un personnage Lego en bois l'an dernier, une grande mini-figurine. Mais je dirais, pour moi, c'est vraiment un personnage et un produit qui est un peu exceptionnel. D'accord. Oui, donc pour l'instant, on reste sur ce système de briques avec des tenons qui s'encastrent extrêmement bien. Hein. Une brique à l'autre s'encastre très très bien et qui est brevetée. On peut retrouver le canard en bois, mais en Lego maintenant. Oui, par exemple. On peut le créer, en fait. Exactement. On peut le créer avec ces briques. Alors, je sais que vous êtes fan de Lego, hein, vous auditeurs. Ne faites pas semblant, je le sais. Donc, laissez un message au 01 56 40 30 20 sur le répondeur de Blockbuster. Et on va écouter un chanteur qui, lui aussi, est en construction permanente. Philippe Catherine avec les bébés pandas. Arrêtez de parler. Vous disiez qu'être la merde à une vitesse incroyable. Vous disiez toujours la même chose avec une gueule de comptable. Vous disiez qu'être la merde dans des positions viriles. Vous disiez toujours la même chose comme si on était débile. Et vous pouvez, vous saurez, vous savez, vous devez. Il est à moi. Bébé panda, arrêtez de parler. Il est à moi. Arrêtez de parler. Et tu l'as pris pour toi, le bébé panda. Tu dis que tu ne voyais pas sa maman, son papa. Et il s'est pris pour toi, le bébé panda. Tu je t'aime. C'était Philippe Catherine avec les bébés pandas. La chanson que vous venez d'entendre émane de la programmation musicale de Muriel Pérez et ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Anne Besson, vous me disiez pendant la chanson qu'il n'y avait pas que les testeurs qui pouvaient inventer des sets, des constructions de Lego, mais que tout le monde pouvait s'y adonner et même proposer son projet. Exactement. Donc les designers sont connectés aussi à n'importe qui a une idée Lego et qui peut la proposer. Donc nous avons une plateforme digitale, hein, un site qui s'appelle Lego Ideas, sur lequel c'est possible à n'importe qui de créer un modèle, de le proposer. C'est une plateforme collective où après d'autres personnes, d'autres fans de Lego vont voter. Si l'idée remporte 10 000 votes, dans ces cas-là, l'idée est étudiée par nos designers Lego. Et ça c'est malin. Ouais. Ça, l'an dernier, il y a 3 modèles Lego Ideas qui venaient de français. 3 modèles. Et donc après, ils ont des royalties, les créateurs, ou ils sont juste contents d'avoir créé leur set? Ils sont rémunérés à leur juste valeur. D'accord. Ils ont la fierté d'avoir un produit qui va durer dans le temps, pendant quelques mois ou quelques années. Oui. Minecraft, et justement, la gamme Minecraft qui existe toujours a été créée en 2013 par quelqu'un à travers cette plateforme qui a eu l'idée de cette boîte Minecraft. D'accord. Et depuis, on a plusieurs boîtes Minecraft. Océane, Alexis, vous y êtes essayé? Oui, moi je possède le Steamboat Willy de Mickey Mouse que je me suis offerte à Noël l'an dernier. Et c'est beaucoup de travail, j'y ai passé 5 ou 6 heures. Mais c'est un des plus beaux sets que je possède, il est magnifique. Et alors là, par contre, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de mélange. Oui, oui. Mickey et Minnie, ils restent sur leur bateau. Central Perk, il ne faut pas y toucher, il est magnifique. Alexis ? Moi, je ne me suis jamais lancé dans la création et dans la proposition d'une de mes idées. Mais par contre, c'est une de mes gammes favorites, puisque ça va toucher à peu près tous les univers. On va passer à Voltron, à Central Perk. À la cabane dans les bois qui a été designée par un Français justement l'année dernière. Donc cette gamme-là est vraiment destinée, je pense, davantage aux adultes, mais trouve vraiment beaucoup de résonance chez beaucoup d'entre nous. Alors certes, les Lego, c'est fun et tout, mais les Lego, c'est rare. Il y a des gens, ils aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Il faut le reconnaître, évidemment, le Lego possède aussi sa face sombre. Et laquelle, Mathieu? Le Lego est en plastique, Nicolas, et évidemment, à l'heure des matériaux renouvelables, les 30 milliards de briques de Lego produites chaque année pèsent très lourd. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, Anne Besson, le plastique, est-ce qu'on va en sortir? Est-ce qu'on va aller vers des matériaux renouvelables? Comment ça se passe? Alors, comment vous gérez ça? Deux choses. D'abord, quand on parle de plastique, on ne parle pas de plastique à utilisation unique, on parle d'un produit qui est durable dans le temps. Vous avez parlé d'intergénérationnel, de grands-parents, de parents et d'enfants. Le plastique dur ne se jette pas. Donc ça, c'est un point qui est très important par rapport à notre écosystème et notre engagement environnemental. La deuxième chose, c'est que Lego a investi dans un centre de recherche et développement pour trouver des matières de substitution qui soient biosourcées. Et donc, les premiers éléments ont été annoncés et lancés en 2017 avec des éléments qui viennent de la production de canne à sucre. Et donc, d'ici à 2030, l'engagement, c'est que 100% des produits soient biosourcés. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir manger leur Lego? Attention, on garde la même solidité, donc ça peut faire mal aux dents. D'accord, ok. Ce qui est marrant sur cette chose-là, c'est que dans certains sets, justement, il y a des pièces qui sont identifiées comme ça, issues de canne à sucre, et ce sont les pièces de verdure, la végétation dans ces sets-là. Donc exactement. Le clin d'œil est sympa, je trouve. Ouais. D'accord, et donc vous avez un avis, Alexis, sur le fait que les Lego, ça reste un jouet formidable à l'épreuve du temps, mais ça reste un jouet en plastique? Oui, après, si c'était le seul... Quand je vous pose la question, vous me la posez à moi aussi, hein, parce que... Non, mais si c'était la seule chose en plastique qui posait problème, on y penserait, mais je trouve que c'est pas du plastique qui est jetable, justement, c'est pas un emballage qu'on va jeter dès le lendemain matin, une fois qu'on s'en est servi, donc non, mon plaisir passe au-dessus de cette préoccupation, clairement. D'accord. Océane ? C'est vrai que ça me rassure de savoir qu'il y a un engagement dans le temps. Parce que c'est vrai que même si on garde les Lego pour les futures générations, c'est vrai que c'est bien aussi de se préoccuper d'aujourd'hui, parce que si on ne s'en préoccupe pas aujourd'hui, on ne pourra plus y jouer demain. Donc c'est vrai qu'il faut s'y atteler aussi. Oui, puis il faut penser aux archéologues du futur qui vont trouver des faucons millénium en disant oh, ça doit être un enfant de 4 ans. Ou les sets de fossiles aussi étaient sortis, ils sont magnifiques. Qui a fait, alors qu'en fait, ce sera un adulte de 43 ans qui l'aura créé. Et alors, il y a aussi cette diversité depuis plusieurs années dans le monde de Lego, parce que Lego, c'est évidemment des jouets à construire, mais c'est aussi des expositions, des records du monde qui ont été battus. Il y a des musées autour des Lego, il y a des jeux vidéo Lego, il y a des films Lego. À quel moment dans l'entreprise vous vous êtes dit, ok, il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on étende notre champ d'investigation? Alors, on va dire à un moment clé, ça a été la production de notre premier film, Lego La Grande Aventure, en 2014. Donc le travail s'est fait bien en amont, c'était une collaboration avec les studios Warner qui s'est fait plusieurs années auparavant. Mais ça, je dirais, ça a été le moment où justement on a pensé à recréer un univers Lego, pouvoir amplifier l'univers et la jouabilité, pouvoir faire vivre les personnages Lego. Et justement, Anne Besson, est-ce que vous avez senti l'arrivée dans la proposition Lego des franchises de manière significative? Parce que je sais que moi, j'ai grandi en ayant un petit peu cette vision que les Lego, c'était quelque chose de dépassé. Et soudain est arrivé Harry Potter, Star Wars, et le geek que je suis a tout d'un coup eu toutes les voyantes qui se sont allumées et qui m'ont fait retourner acheter des Lego. Donc, est-ce que sur les ventes, vous vous êtes dit, ok, on a trouvé le moyen, si on met une franchise sur un Lego, tout d'un coup, on arrive aussi à raviver l'intérêt pour le produit de base? Ce qui est intéressant, je dirais, 70% des ventes, juste pour 70% des ventes restent sur le produit cœur, quoi. Pas les licences, et 30% toutes les licences. Ah, les licences, ça représente que 30%. Voilà. Ce qui est important, c'est que la marque Lego s'attelle à comprendre quels sont les besoins de ses fans et de tous ses enfants. Donc oui, une licence peut être intéressante pour Lego si on voit une adéquation et on voit un intérêt des enfants qui aiment Lego et qui peuvent jouer bien avec Lego. La licence Star Wars, en fait, parce que ça a été historiquement notre plus grosse licence et notre première licence, nous l'avons créée en 1999. Et cette licence nous a permis de créer un univers de jeu complètement différent à des fans de personnages, à des fans de cet univers Star Wars, à travers effectivement les personnages qu'on peut retrouver comme Luke Skywalker, mais les vaisseaux comme le Faucon Millennium qui restent complètement iconiques à travers les années. Et justement, par rapport à cette idée de proposer aux enfants des Lego mais sans franchise, je me souviens d'une époque où il était extrêmement simple dans un magasin de trouver des bacs avec plein de pièces. Et est arrivée une période où elles ont disparu. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits où on ne retrouvait plus forcément ces bacs qu'on pouvait donner, laisser à un enfant, et tiens, amuse-toi, fais ce que tu veux. Est-ce que c'est revenu, ou est-ce qu'il faut vraiment aller dans les Lego stores pour avoir cette vieille version de Lego complètement épurée? Alors, à ma connaissance, cette version n'a pas du tout disparu. Peut-être qu'il y a dû avoir des ruptures dans votre magasin, mais pas que dans mon magasin. Les bacs de Lego existent encore et font partie des belles références. Après, dans les produits aussi qui marchent très très bien, les produits référence, on a par exemple la gamme Lego City qui recrée des personnages du quotidien, qui donne vie à un policier, un pompier, un univers marin aussi. Donc cette gamme marche aussi très bien et complémente les bacs de Lego classiques. Donc Lego continue de faire des bacs remplis de Lego dits classiques. Oui. Et donc s'ils ne les ont pas, c'est la faute aux enseignes. Ou pas, mais en tout cas c'est qu'il y a une rupture. D'accord. Vos noms de code ne sont pas que des surnoms super cool. Ce sont les pouvoirs élémentaires avec lesquels vous êtes nés. Nia, tu peux créer l'eau par ton esprit. Kai, le feu. Wow. Kay, la foudre. Trop ninja. Cole, la terre. On tourne pareil. Et Zayn, la glace. La glace, c'est classe. Ces pouvoirs élémentaires sont la raison pour laquelle je vous ai choisi pour créer une force ninja secrète. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis quoi comme élément? Lloyd, tu es l'élément le plus important de tous. Ok, dites-le-moi, allez-y. Ton élément de pouvoir est le vert. Vous avez dit quoi? Le vert. Ok, non, attendez, on reprend. Le feu, la glace, l'eau, la terre, la foudre et... Le vert. Je crois pas que ce soit un élément, je vous assure. Lloyd... Je peux être l'or? Non. Et le vent, ça irait, c'est pas pris? Non. Et si on change la première lettre de vert? Ça fait faire. Lloyd... J'ai trouvé, je pourrais être l'élément de surprise. Non, ça c'est le ninja fuchsia. Surprise. C'était un extrait de Ninjago de Charlie Bean, Paul Fisher et Bob Logan, sorti en 2017. Donc on vient d'entendre un extrait donc de Ninjago, qui est une licence intégralement créée par Lego. Exactement. Oui, ça fait partie des quelques licences qui ont été créées par la marque, comme Bionicle également, qui sont des licences qui, si je ne dis pas de bêtises, fonctionnent très bien et ont permis aussi à Lego de trouver un nouveau public, mais sans forcément aller chercher ailleurs comme Harry Potter ou Star Wars. Et alors, il y a la toute nouvelle série Monkey King. Oui, exactement, Monkey Kid. Qui la légende du roi singe. Exactement. Moi, je suis fan absolu, puisque fan de Dragon Ball également, donc il y a vraiment ce rapprochement avec la légende de Sangoku et cette culture asiatique, qui d'ailleurs, je pense, a été aussi principalement créée pour aller chercher un public plutôt asiatique, j'imagine. À l'origine, oui, exactement. Et alors, elle est diffusée où? Alors, les deux premiers épisodes, on les trouve gratuitement sur YouTube, diffusés, je ne sais pas également vraiment par qui, pourquoi, mais en tout cas, on les trouve gratuitement. Et après, je ne sais pas quand est-ce que la suite va être annoncée. En tout cas, moi, je piaffe d'impatience. Alors, la suite est diffusée en Chine et après, sur les droits européens, c'est en cours de discussion. Ok. D'accord. Et il y a les jeux vidéo. Ocean Zerbini, il y a les jeux vidéo qui sont des jeux qui sont souvent très très agréables. Très agréables et surtout très très drôles, parce que hors franchise, hors brique, je trouve que l'un des points forts de Lego, c'est surtout son humour, que ce soit dans ses séries, dans ses films ou même dans ses jeux vidéo. Je me souviens que j'avais bien ri en jouant à Lego Star Wars. Lego Indiana Jones, oui. Lego Batman. Enfin, Lego pour moi, Batman, c'est le trio de c'est tête. D'ailleurs les adaptations de DC Comics en Lego, ouais. Ont pendant longtemps été ce qu'il y avait de plus réussi. Après, il y a eu Batman Arkham, etc., etc. Ouais. Mais initialement, c'était quand même pour jouer Batman et Robin, c'était avec des Lego. C'était avec des Lego. Et puis le catalogue des vilains de DC Comics, c'était incroyable. J'ai découvert plein de vilains de DC Comics parce que ils vont vraiment aller chercher la minuscule référence. Oui, il y a le roi des condiments. Le roi des condiments, qui fait d'ailleurs un caméo dans Lego Batman, oui. Le film. Ils ont même fait un jeu vidéo uniquement sur les vilains de DC Comics. Ouais. Lego vilains DC Comics. Oui, et il y a le pendant chez Marvel avec Lego Marvel Super Heroes, ouais. Dans lequel on peut jouer avec dans les différents univers avec tous les personnages. Donc vraiment, moi, je raffole. Il y a aussi les Indestructibles qui ont été faits en Lego. Harry Potter. Et il y a le retour de l'intégralité de la franchise de Star Wars cette année, je crois. Oui, ils ont fait un jeu vidéo qui reprend toute la saga des 9 volumes et avec beaucoup d'humour. Donc ça, c'est toujours agréable de rejouer son histoire comme ça. Ça sort bien cette année, Anne-Lesson. Le jeu vidéo ouais, sur Star Wars. Ouais. Oui. Et bientôt, on va avoir un nouveau personnage qui va prendre forme en Lego, qui est Lego Super Mario. Oui. Alors, j'ai vu ça. Alors, expliquez-nous le principe. Alors, Lego Super Mario, déjà, c'est une association pour la première fois entre Nintendo et Lego, qui sont deux sociétés qui ont des valeurs communes. On parlait d'intergénérationnel. Bon, Super Mario, c'est pareil, hein, ça fait des décennies que Super Mario existe, hein, et que ça plaît aux parents comme aux enfants. De la même façon, Lego, donc on en a parlé. Donc cette association unique permet de donner vie à ce jeu vidéo Super Mario en Lego. Donc on va retrouver le personnage Super Mario en Lego, Lego Super Mario, un petit personnage interactif avec la possibilité de créer son plateau, son niveau de jeu en briques. Et on va faire évoluer son petit personnage avec les briques, de façon à ce qu'il collecte des points. Il va interagir avec des briques, il va avoir des petites épreuves qui va lui permettre de collecter des pièces, tout comme le jeu vidéo. D'accord, mais ça se fera en vrai. C'est-à-dire, exactement. Pas une sur expérience un écran. Complètement physique. Il y a aucun écran dedans. Alors, il y a la possibilité, si on veut, c'est optionnel, de télécharger une application sur sa tablette ou son téléphone qui permet d'enregistrer ses scores, de pouvoir aussi, entre copains, pouvoir comparer ses scores ou ses épreuves et d'avoir des petits tuyaux, des astuces pour permettre de collecter plus de pièces. D'accord. Mais c'est vraiment optionnel. Ok, mais on peut vraiment jouer sans écran. Donc exactement. Ça, je rassure les parents qui sont en train de se dire « Ah bah non, pas des écrans, on avait réussi à préserver les Legos de ça. » Et alors, vu que déjà, il y a des jeux vidéo Lego. L'entreprise Lego, et on le disait hors antenne, est une entreprise comme Apple, comme des grosses entreprises. On se rend bien compte que le menuisier charpentier, on a dépassé ça depuis très longtemps. Mais c'est une entreprise qui cultive aussi une certaine forme de secret. Comment vous faites dans une économie mondialisée avec plein de concurrents, des magasins de jouets qui ne vont pas très bien? Parce que il y a énormément de magasins qui ont fermé. Moi, je le vois, il y a des enseignes françaises dans les zones industrielles ou tout ça qui ferment à tour de bras. Donc, comment faire pour résister à cette évolution, bah, justement, du tout écran? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la société Lego, effectivement, c'est un grand groupe, hein, mais c'est un groupe qui est resté familial. Hein. Donc, la famille est toujours la famille. Exactement, c'est toujours la famille. Il n'y a pas des actionnaires qui... C'est toujours la famille qui dirige la société. Donc, c'est la troisième génération maintenant, Thomas Christiansen, qui est au board et qui s'occupe du groupe Lego. Donc, c'est resté une société qui est complètement familiale. Donc, dans la même ville, au Danemark. Exactement, à Billund, exactement. Donc, ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et après, ce qui est très important pour passer les générations, c'est de rester pertinent, en fait. Donc, de s'intéresser à la fois au centre d'intérêt et aux des enfants, hein, de son audience, de son public, des enfants comme des parents, et de pouvoir y répondre. Et en même temps, de pouvoir évoluer au fil du monde qui se modernise et notamment aussi de la digitalisation. Et donc, ce que propose Lego, c'est de rester toujours avec une expérience physique, mais d'amplifier sur certaines nouveautés son expérience avec une expérience digitale. Et c'est ça qui rend la marque toujours d'actualité et qui la fait fonctionner. Et je dirais l'autre point qui est essentiel, c'est cet univers de marque dont on a parlé, les films, les émissions, les dessins animés, même les petits jeux vidéo participent au fil des années à être toujours bercés dans un univers positif de créativité, de fun, hein, parce qu'on s'amuse avec Lego, et de rester pertinent. Alors, dans quelques instants, on va jouer avec Aurélien, mais pour le moment, on écoute The Strokes avec Brooklyn Bridge to Chorus. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Jeanne Faravert, Alice Delcourt l'ont préparée, aidée par Tom Malky, et à la technique aujourd'hui, Juliette Delperroux. We'll be right back. The Strokes avec Brooklyn Bridge to Chorus, et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Aurélien au téléphone. Bonjour Aurélien. Bonjour Frédéric. Alors, est-ce qu'on a affaire à un fan de Lego? J'ai une bonne petite collection depuis ma plus tendre enfance, donc oui. Ah, et alors, est-ce qu'on a un véhicule, un set favori? Alors, moi, je pense que dans ma collection, mon plus beau Lego, c'est le Slave One de Star Wars. Ah, évidemment. Le vaisseau de Boba Fett. Oui. Oui. Moi, c'est le Milano des Gardiens des Galaxies. Voilà, je voulais vous. Bon, vous connaissez le principe du jeu? Oui, absolument. Oui, c'est un jeu extrêmement simple. Je pose une question, vous avez 20 secondes pour y répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un joker qui répondra à votre place autour de la table. C'est bon ? C'est parti, je suis prêt. C'est parti. Dans quelle ville a été fondée l'entreprise Lego à l'origine ? Billund. Bonne réponse ! Billund, qui se situe ? Au Danemark. C'est très bien, c'est très bien. Et bien suivi. Question suivante. Combien de films Lego sont sortis au cinéma? C'est une réponse à choix multiple. 2 films? 4 films? 8 films? Sortis au cinéma. Combien de films Lego sont sortis au cinéma? 2 films? 4 films? Ou 8 films? Je vais pas me planter. Je vais prendre un joker. Alors, Océane Zerbini, Alexis Poder ou Anne Besson? Alexis Poder, s'il vous plaît. Oui. Alors moi je dirais 4. Eh bien ouais. C'est une bonne réponse. Le film La Grande Aventure Lego est sorti en 2014, suivi des films Lego Batman et Lego Ninjago en 2017, et enfin La Grande Aventure Lego 2 en 2019. Dernière question. Comment s'appelle le personnage de Ninjago que vous allez entendre dans cet extrait? Il y a très peu de gens qui osent me poser la question, alors je suis content que lui soit pas gêné. Lloyd m'a jamais demandé pour mes bras, pas vrai Lloyd? Inutile d'essayer de me parler. J'ai été mordu par un serpent. Non. Si. Ah ouais, et le serpent avait plein de bras. Non, ils ont pas de bras. Exact. Ouais. C'était pas une araignée? Non, c'était bien un serpent. Une araignée avait mordu le serpent et ensuite le serpent m'a mordu. Oh. Non, c'est dingue ça, vous gobez ces histoires. Alors, là, vous n'avez pas suivi Ninjago, donc je vais encore prendre un joker, s'il vous plaît. Alors, Océane, Anne Besson. Océane, c'est toi. Océane. Je sais juste qu'il est doublé par Justin Theroux en VO. Oui. Lord Carmadon. Oui, c'est ça, c'est Carmadon, mais je l'accepte. Je l'accepte. De toute façon, il n'y a jamais personne qui a perdu. Je, donc, de toute façon, Aurélien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh ben c'est super. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez-y rapidement. Alors, un gros bisou à ma maman Anne-Marie, qui est une grande fan de France Inter, à ma chérie Émilie et à ma filleule Chloé, qui a fêté son anniversaire hier et qui aime les Playmobil, mais je ne renonce pas à lui faire préférer les Lego. Voilà. Oui, et ben c'est parfait, justement, ça tombe bien que vous en parliez, parce que je sais qu'il y a la team Playmobil qui va me tomber dessus avec violence, voilà, parce que ce monde n'est que violence. Oui, et nous, je rêve, j'ai fait un rêve de coexistence Lego Playmobil. Vous aurez aussi droit à votre émission Playmobil si jamais il y a une 5e saison de Blockbuster. N'ayez crainte. Merci beaucoup Aurélien. Merci à vous encore. Passez une bonne journée. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alexis, vous me disiez pendant la chanson précédente que grâce à votre communauté, il y avait des jeunes qui du coup étaient heureux de pouvoir parler de ça avec quelqu'un sans être l'objet de colibets ou de moqueries. Ça joue beaucoup aussi. Oui, je pense que Maintenant, la culture populaire arrive à être, bah, grâce à vous par exemple, à être plus facile à être acceptée autour de nous, mais dans certaines communautés, j'imagine que ça ne doit pas être toujours facile. Et donc, ouais, on a des personnes qui nous disent, bah, c'est cool que vous puissiez parler de Lego librement, avec bienveillance, parce que moi, je n'assume pas encore totalement d'en parler autour de moi ou de dire à ma copine que moi, je collectionne des Lego ou des choses comme ça. Et Océane, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé durant l'émission et on arrive à la fin, mais c'est qu'il n'y a pas de sexualisation des Lego. Ça aussi, ça joue quand même. Les garçons et filles peuvent jouer aux Lego tranquille. C'est vrai que dès très tôt, dès les années 80, on avait des publicités qui montraient justement que c'était gender neutral, c'est-à-dire que tant les filles que les garçons pouvaient y jouer. Mais c'est vrai que moi, je me sens un peu seule en tant que fille dans mon entourage à collectionner et à jouer aux Lego. Donc, malheureusement. On va faire ce qu'il faut. Merci à vous tous. Merci à Anne Besson, Océane Zerbini et Alexis Poder. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour en parler, voilà, pour parler des Lego, ou directement avec moi sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. On dirait que tout est bien qui finit bien, pas vrai les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? De la planète du plomb. On est là pour vous détruire. Et on se retrouve demain pour parler politique, discrimination et super-héros. On parlera des X-Men. Mais après le journal, on va retrouver Émilie Blond-Metzinger pour le Mac de l'été. Et aujourd'hui, Émilie qui est avec nous dans le studio. C'est quoi le programme? Alors là, on part en pleine nature. D'abord sous l'eau avec le plongeur, apnéiste et photographe Alex Voyer. Et après dans la jungle avec Hugo Benamozig et David Caviglioli qui sont les réalisateurs de Terrible Jungle. Eh bien on va écouter ça, merci beaucoup.